Chapitre 10e. Dans quel état te voilà, mon pauvre garçon? D'où sors-tu? Qu'est-il arrivé? Ces questions jaillirent coup sur coup des lèvres de Sorette au moment où Antoine, vers 9h du matin, entrait dans la cuisine, les pieds boueux, les vêtements froissés, ayant la mine hâve et les yeux battus d'un homme qui a passé une nuit blanche. Verdier, occupé à écrire sur un bout de table, laissa tomber ses lunettes et, stupéfait, mordant sa moustache, répéta à son tour: « Où as-tu été, mon camarade? Comme tu es pâle !»« J'ai couché à la belle étoile, » répondit laconiquement Antoine, « et j'ai mal dormi. Voilà tout. »« Je vais te faire une rôtie au vin chaud, » s'écria Sorette. « Merci, ma mère, je n'ai besoin de rien. » Il alla vers la pompe, emplit d'eau le bassin de cuivre jaune, but avidement 2 ou 3 gorgées, puis se retournant vers la bonne femme qui le suivait des yeux avec inquiétude, « Mère, » reprit-il d'une voix calme, « je repartirai demain pour Paris. Tu me prépareras ma malle, n'est-ce pas ?» L'éboulement de la vieille forêt d'Aubrive, descendant tout à coup de la rivière, n'aurait pas produit une stupeur plus profonde que l'annonce de ce départ. Verdier n'en croyait pas ses oreilles. Le plat que Sorette essuyait lui glissait des mains et se brisa sur le pavé. « Comment partir ? » balbutia-t-elle en s'asseyant. « C'est pour plaisanter. Ton congé va jusqu'au 15 novembre. »« J'ai reçu contre-ordre, » répliqua-t-il en évitant de regarder sa mère. « Il faut que je parte demain matin, et je viens de retenir ma place. » Sorette ne dit plus rien. Elle posa son front dans ses mains, et accoudée à la table, elle se mit à pleurer tout bas. Verdier s'est élevé d'un air vexé et se grattait violemment la tête. « Allons, voilà qu'elle pleure maintenant, » murmura-t-il en lançant un timide regard vers Antoine. « As-tu jamais vu femme si peu raisonnable ? Puisque le petit s'en va avant le terme de sa permission, tu comprends bien qu'il y est forcé. Il nous aime trop pour nous peiner volontairement. Il sait bien que nous n'avons que lui, que c'est court un mois sur cette année et que ce sera dur quand nous nous retrouverons seuls à la maison. Il sait tout cela mieux que nous. » Entre chaque phrase, Verdier faisait une pause et regardait son fils d'un air suppliant, de sorte que ses paroles semblaient adressées à Antoine plutôt encore qu'à Sorette. Le jeune homme restait immobile, les bras croisés, les yeux fixes et les dents serrées. « Enfin, que veux-tu ? » continua le forestier. « Si le ministre le rappelle pourtant, la discipline, je ne connais que ça, obéissance passive, voilà. C'est égal, M. Noël va être bien étonné. Il ne sera pas content non plus, lui. » « J'irai ce soir lui expliquer mes raisons, » interrompit Antoine, « et il les approuvera. » Il craignait de se laisser attendrir, et quittant brusquement la cuisine, il monta dans sa chambre. En l'entendant s'éloigner, Sorette se couvrit la figure de son tablier et ses sanglots éclatèrent. « Quand tu crieras, » dit Verdier, « tu vois bien qu'il est décidé à partir. Voilà les enfants, ils ressemblent aux oiseaux. Sitôt emplumés, ils ne pensent qu'à quitter le nid. » Tout en parlant, il essayait de boucler ses guêtres. Étaient ses doigts qui tremblaient ou ses yeux qui voyaient trouble. Il ne pouvait venir à bout de faire entrer les ardillons dans les trous des courroies. À la fin, il sortit en jurant d'une voix étranglée et monta au chanois pour tout conter à M. Noël. Il espérait encore que le bonhomme userait de son influence pour retenir Antoine, mais contre son attente, M. Noël donna raison à son élève en déclarant que ce départ était l'acte d'un homme sensé et que dans toute cette affaire, le seul fou, c'était lui, Verdier. Là-dessus, il lui tourna le dos et s'enferma dans sa bibliothèque. Vers le soir, Sorette monta dans la chambre d'Antoine pour procéder à l'arrangement de la malle. Le jeune homme était debout près de la fenêtre, contemplant la forêt, dont les cimes ondulaient au vent d'ouest avec un bruit semblable à celui de la mer. Sorette avait traîné la malle vide jusqu'au milieu de la chambre. « Ainsi, c'est bien décidé, » soupira-t-elle d'une voix timide. « Tu veux donc nous quitter, mon fils ?»« Oui, mère, il le faut, » répondit-il sans se retourner, comme s'il eût craint de se laisser toucher par ce moite et anxieux regard qu'il sentait poser sur lui. Sorette hocha la tête, puis elle fouilla les placards, vida les tiroirs et se mit à ranger les effets dans la malle, tout en essuyant de temps à autre une larme qui s'obstinait à rouler sur sa joue. Quand elle se sentait plus calme et quand elle supposait que sa voix ne serait pas étouffée par un sanglot, elle hasardait une recommandation. « Vois-tu, » disait-elle à Antoine, « j'ai tout rangé par douzaines. Tu n'auras qu'à prendre tes affaires et à les serrer à mesure dans ton armoire. Surtout, je t'en prie, place en dessous de chaque pile les chemises qui reviennent du blanchissage, sans quoi ce sont toujours les mêmes qui serviront. Rien n'use le linge comme ces éternels lavages. Je t'aurais bien donné à emporter deux ou trois pots de mes confitures de gouache, mais elles sont trop fraîches. Ah, si seulement tu avais voulu attendre jusqu'à la fin de la semaine. » Antoine, sans répondre, s'assit à son bureau et empaqueta quelques livres. Tout en pliant les vêtements, serait des pieds du coin de l'œil la figure contractée de l'enfant qui allait lui être enlevée. Elle l'apercevait de profil, le front penché vers la table, la paupière abaissée. Elle crut voir ses lèvres frémir, comme si elles avaient voulu fermer le passage à un sanglot. Alors elle n'y tint plus, et laissant tomber le paquet de hardes, elle s'élança vers Antoine, l'étreignit dans ses bras et le mangea de baisers. « Tu souffres, » s'écria-t-elle, « et tu te forces pour ne pas pleurer. Pourquoi me fais-tu des cachotteries? Pourquoi veux-tu partir? Est-ce que tu crois que je m'opposerai à ton mariage avec cette demoiselle de la maison Berthe? Je veux tout ce que tu veux, tu le sais bien. Si elle te plaît, amène-la chez nous, et nous l'aimerons, mais ne t'en va pas, ne t'en va pas si vite. » « Ne me retiens pas, ma bonne mère, » dit Antoine en l'embrassant. « Il faut que je parte, crois-moi. Ne me demande pas pourquoi en ce moment. Plus tard, je t'expliquerai tout. » La douceur calme de sa voix indiquait une résolution si bien arrêtée que Sereine n'insista plus. Mais comme ses yeux se mouillaient de nouveau, elle alla s'appuyer au barreau de la fenêtre. Le soir tombait, le ciel s'était couvert de gros nuages bas, et le vent avait encore augmenté. Il courait le long des lisières de la forêt, secouait rudement les branches et en détachait les feuilles jaunies. À travers l'eau qui lui noyait les yeux, Sereine voyait cette pluie de feuilles mortes s'abattre sur le revers de la colline. Chaque rafale en emportait une nuée. Elle tourbillonnait, s'amassait par tas au creux des fossés ou s'éparpillait sur l'herbe rase des prés. Cette fuite désordonnée et mélancolique sentait aussi le départ. Elle annonçait l'arrière-saison et la disparition des claires journées de soleil. Sereine songeait, le cœur navré, aux longues veillées d'hiver qu'elle passerait seule près de son feu mourant, tandis que l'enfant bien-aimé serait exposé à tous les dangers de Paris. Pauvre mère, que d'heures d'angoisse leur font les dures nécessités de la vie. Jeunes, elles se sont dit « Si seulement j'étais mariée à un homme qui m'aimerait. » Le mari est venu, souvent peu affectueux, parfois rude ou indifférent. Alors, elle souhaite un enfant comme consolation. L'enfant naît, et avec lui, de nouvelles transes. « Il me récompensera de toutes mes peines quand il sera grand, » pense-t-elle à travers leur tristesse. Le fils grandit, et quand il a 20 ans, il s'en va bien loin. Et la mère reste seule avec un redoublement d'inquiétude. Elle n'a pas d'enfant, c'est son enfant qui l'a, qui lui tient le cœur par une chaîne qui s'allonge toujours et s'appesantit à mesure. Sereine se disait cela vaguement, tandis que les feuilles s'envolaient là-bas, déjà loin de la forêt. Parfois le vent les prenait tout en un tas, les roulait en spirale et les lançait affolés par les champs. Tantôt il les berçait doucement une à une et les faisait planer lentement comme des papillons dans l'air gris du soir. Un souffle violent passa tout à coup sur le jardin, emporta d'une haleine tout un paquet de feuilles de platane et les jeta dans la chambre. L'une d'elles, une large feuille, bien déchiquetée et encore verte, alla tomber sur les vêtements. Sereine, qui l'avait suivie du regard, revint s'agenouiller près de la caisse et, abaissant le couvercle, enferma précieusement cette feuille que le vieux jardin semblait envoyer comme une relique à l'enfant qui partait. Puis elle s'assit sur la malle et resta immobile. L'obscurité devint plus grande et bientôt, dans la chambrette silencieuse, on ne distingua plus que la vague silhouette d'Antoine et les deux points lumineux des yeux mouillés de sa mère. Tandis que la petite maison d'Aubrive hébergeait le découragement et la désolation, à la maison verte, les choses se passaient plus tristement encore. Raymonde était rentré désespéré. Son évanouissement chez les charbonniers n'avait pas duré longtemps. Quelques gouttes d'eau jetées sur le visage l'avaient fait revenir à elle, et sans écouter les instances de la charbonnière, elle s'était élancée sur Jannick, qui avait pris le trou à travers la coupe. Elle froissait dans sa main crispée le billet où Antoine l'avait si impitoyablement jugé, et elle se révoltait contre la dureté de cet arrêt. Elle ne voulait pas croire que tout fût irrévocablement fini. Son amour passionné et vivace protestait. Elle avait hâte de se retrouver en face d'Osmain pour rompre d'une façon éclatante avec lui. Après, elle irait se jeter aux pieds de la mère d'Antoine et la supplier d'intercéder auprès de son fils. Rien ne lui coûterait pour sauver son amour en détresse. Elle précipitait l'allure de Jannick et le petit cheval, stimulé par les coups de cravache, galopait furieusement dans les sentiers étroits du bois des ronces. les branches frôlées par la jupe de Raymonde rejavaient sur la croupe de Yannick et activaient encore sa course rageuse. Des deux côtés du chemin, les arbres semblaient fuir à la débandade sous le ciel gris. Raymonde éprouvait une sorte de soulagement dans cette folle chevauchée dont la fougue était en rapport avec le train désordonné de ses pensées. Quand l'Amazone et sa monture arrivèrent à bride abattue devant la maison verte, Yannick était quasi fourbu et la jeune fille était brisée. Elle ne se sentait pas capable de parler. Pour échapper aux questions et aux explications, elle monta dans sa chambre et s'y enferma. Alors seulement, dans cette haute pièce, où même en plein jour le ton brun des boiseries de chêne jetait une ombre mélancolique sur les meubles, elle comprit bien toute l'étendue du désastre. Jusque-là, les rumeurs du dehors et la rapidité de sa course enragée l'avaient étourdie. Maintenant, il régnait autour d'elle un calme et une solitude qui l'effrayaient. Le long miroir lui renvoyait le reflet désolé de ses joues pâlies et de ses yeux creux. Le berger du trumeau semblait jouer sur sa flûte le chant funèbre des amours perdus. Le vent qui s'engouffrait dans la vieille cheminée avait les soupirs d'une tristesse navrante. Raymonde ne s'était jamais sentie si seule et si abandonnée. Tandis qu'elle se débarrassait de sa jupe d'Amazone, une servante vint heurter à la porte et avertir sa maîtresse qu'on l'attendait pour déjeuner. Elle répondit en priant qu'on la laissât en repos. La servante s'éloigna, s'agenouillant devant son lit, enfouit son visage dans les couvertures et put pleurer à son aise. On ne voyait plus que la ligne onduleuse de son dos et de ses hanches, et la masse dorée de ses cheveux roux tranchant sur la blanchœur des draps. Les larmes qui l'étouffaient depuis le matin avaient fini par jaillir abondamment. Elle pleurait comme un enfant qui éprouve son premier grand chagrin et s'y abandonne avec une violence sauvage. Elle était là depuis longtemps déjà, quand un pas fit de nouveau craquer le parquet du corridor, un pas bref, décidé, et dont l'allure impatiente trahissait à elle seule le caractère impérieux de la personne qui marchait. « Raymonde !» cria du dehors Madame Clotilde. Pas de réponse, mais un mouvement dépité des épaules et un plongeon plus désespéré de la tête dans les couvertures. « Raymonde !» répéta la dame avec un accent plus âpre. « Ouvre ! Je sais que tu es là, assez d'enfantillage !» La masse des cheveux roux s'agita un moment, un bout de profil se montra, et d'une voix maussade, la jeune fille murmura « J'ai la migraine !»« Si malgré, tu n'avais pas la migraine pour courir les champs ce matin, descends, monsieur de Préfontaine est en bas !»« Ah !» D'un bond, elle fut sur ses pieds. Ses yeux vifs et gonflés brillaient d'un éclat farouche, ses lèvres hautaines avaient une expression de colère et de défi. « Allons, dépêche-toi, il veut te parler !» « C'est bien, je descends, » répondit-elle d'un ton résolu. Elle baigna sa figure dans l'eau fraîche, acheva sommairement sa toilette et descendit, ou plutôt bondit dans l'escalier. Quand elle ouvrit la porte du salon, Madame Clotilde avait déjà repris sa place sur le canapé, où Haussmann, assis, croisait et décroisait d'un air inquiet ses longues jambes. Monsieur la Tremblay, étendu dans son fauteuil, suivait d'un œil somnolent les efforts que tentait le géant pour amener son pantalon noir, trop court, sur ses grosses bottes de 7 lieues. « Ah !» dit Préfontaine en tendant la main à Raymonde. « Bonjour, mademoiselle. Étiez-vous réellement souffrante ? On ne s'en douterait pas à voir vos joues vermeilles. Vous allez mieux ?»« Oui, merci, » répliqua-t-elle en effleurant de ses doigts glacés la main du colosse. Elle alla s'appuyer contre le fauteuil de son père, comme si là, là seulement, elle pensait trouver aide et protection dans le combat qu'elle se proposait d'engager. « Mademoiselle Raymonde, » reprit Préfontaine, après avoir toussé pour s'éclaircir la voix, « nous causions de vous. Je disais à Madame la Tremblay que les travaux de réparation sont enfin terminés à la Margelle. Les ouvriers ont déguerpi et j'espère que vaudrait bien venir voir si tout y est à votre convenance. Maintenant que le nid est prêt, » ajouta-t-il plus timidement, « j'espère aussi que vous consentirez à fixer le jour où nous irons demander à Monsieur le curé et à Monsieur le maire la permission de l'habiter ensemble. » « Monsieur de Préfontaine, » répondit Raymonde d'une voix très décidée, bien que légèrement tremblante, « je ne veux pas que vous vous abusiez plus longtemps sur mes intentions. Je n'habiterai jamais la Margelle. »« Comment ?» s'écria Haussmann, qui ne comprenait pas encore. « Voulez-vous dire par là que vous désirez rester à la Maison Verte après que nous serons mariés ? Je sais bien qu'il est pénible pour une jeune fille de quitter ses parents, mais songez que la Margelle est à une petite heure de Vivet. Il ne s'agit pas de cela. » repartit Raymond en le regardant bien en face. Vivet et la Margelle me sont indifférents. Je ne veux pas me marier. Monsieur Latremblay, stupéfait, avait redressé la tête et Madame Clotilde s'était élevée en haussant les épaules. Elle allait parler, mais d'un geste préfontaine la supplia de garder le silence et le reprit d'un air consterné. Mon Dieu, Mademoiselle Raymonde, je reconnais que lorsque je vous ai demandé de vouloir bien m'accepter pour mari, vous ne m'avez pas donné de réponse positive. De mon côté, je vous avais promis d'être patient et de ne point vous presser. Pourtant, il m'avait semblé, depuis, certaines circonstances m'avaient fait supposer, bref, quand je suis parti pour le Morvan, j'étais persuadé que vous aviez jugé l'épreuve suffisante et que nous nous épouserions au retour. Vous vous êtes trompé, dit-elle d'un ton bref, et si mon langage ou ma conduite vous a induit en erreur, je vous en demande pardon. La tête du géant s'abaissa tristement vers sa poitrine. « Enfin, soupira-t-il, si vous ne vous sentez pas disposé à m'écouter aujourd'hui, laissez-moi espérer que plus tard, ni aujourd'hui ni plus tard, » interrompit-elle en secouant la tête, « renoncez à moi, je ne me marierai pas. » Monsieur Latremblay s'agitait sur son fauteuil et se retournait à demi pour regarder sa fille avec une sorte de respectueuse frayeur. La manifestation énergique d'une volonté lui imposait toujours. « Ces grimaces seront-elles bientôt finies ?» s'écria Madame Clotilde, que la colère suffoquait et qui ne pouvait plus se contenir. « Depuis quand les petites filles osent-elles contrecarrer les désirs de leurs parents ?»« Monsieur de Préfontaine a notre parole, ce mariage est arrêté, il se fera. »« Il ne se fera pas, » répliqua Raymonde, qui était devenue très pâle et s'était avancée de quelques pas vers sa mère. « Il ne se fera pas, je vous en réponds. »« Raymonde, » murmura la Tremblay, d'une voix suppliante et effarée. « Laissez donc, je saurai la mettre à la raison. » reprit Madame Clotilde. « Elle choisira entre M. de Préfontaine et un couvent, et nous verrons, quand elle sera claquemurée, s'il ne chante pas une autre ancienne. » Le pauvre Haussmann, qui ne s'attendait guère à cette algarade, ouvrait des yeux ronds et demeurait ébaubi. Raymonde, droite en face de sa mère, la regardait entre ses cils et secouait le menton d'un air de révolte et de bravade. « Cependant, ma chère amie, » hasarda la Tremblay, humiliée du rôle passif qu'il jouait dans cette affaire, si Raymonde, qui connaît nos désirs, avait de la répugnance pour le mariage, je n'oserais pas la violenter. À merveille ! Interrompit la dame, aiguillonnée par cette résistance. Soutenez-la, obéissez à ses caprices. À ses caprices, non. Mais si elle a des raisons sérieuses, qu'elle ose donc les avouer, ces raisons ! Riposta Madame Clotilde, en défiant du regard sa fille, qui restait impassible. Elle s'en gardera bien, car elle joint l'hypocrisie à la désobéissance. « Je vais vous le dire, moi, puisque vous êtes assez aveugle pour ne pas les voir. Elle s'est amourachée de ce monsieur Verdier, que vous avez eu l'imprudence de recevoir ici, un pédant, un cuistre venu de je ne sais où, qui mangeait vos dîners et courtisait votre fille. » Le rouge était monté aux joues de Raymonde. La colère gonflait ses narines palpitantes. Elle bondit jusqu'auprès de sa mère et la regardant droit dans les yeux. « Je ne souffrirai pas qu'on injurie monsieur Verdier devant moi, » dit-elle. « Il vaut mieux que nous tous. » « Vous voyez ?» ricana Madame Clotilde, furieuse et ne se possédant plus. « Elle ose s'en vanter !»« Oui, je l'aime !» s'écria la jeune fille sans baisser les yeux. « Effrontée !» La main de la dame s'est élevée. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle s'abattit sur la joue de Raymonde et le bruit sec d'un soufflet retentit aux oreilles des deux hommes abasourdis. « Clotilde !» balbutia la Tremblay. Raymonde était devenue blanche comme un marbre et ses yeux avaient des regards terribles. « Mademoiselle !» s'exclama Haussmann en se jetant entre la mère et la fille. Il redoutait quelques coups de tête de cette dernière et il essayait de saisir ses mains qu'elle tordait convulsivement l'une dans l'autre. « Mademoiselle Raymonde, laissez-moi vous » murmura-t-elle d'une voix sourde. Elle écarta vivement le géant, s'élança vers la porte du jardin qu'elle ouvrit violemment et disparut. Elle traversa les pelouses en courant, poussa la grille et gagna le bois pour le sentier le plus court. Elle s'enfuit à toutes jambes, comme si elle eût craint d'être poursuivie. C'était une course effarée comme celle d'un cerf chassé par les chiens. Elle coupait les fourrés les plus épais, sans se soucier de sa robe que les ronces mettaient en lambeaux, ni de l'obscurité qui commençait à emplir la forêt, car le ciel s'était couvert et le crépuscule arrivait promptement. Elle voulait fuir, s'en aller bien loin de cette maison où l'on venait de l'humilier devant un étranger. Elle sentait sur sa joue comme une brûlure, la marque du soufflet appliqué par sa mère, et cette impression cuisante lui faisait venir aux yeux des larmes de colère. elle s'assit un moment au revers d'un fossé pour reprendre haleine. Les résolutions les plus désespérées se croisaient dans sa tête. La pensée de revoir Antoine et de se disculper l'obsédait surtout. Elle voulait lui parler à tout prix, dès ce soir. Dut-elle aller frapper en suppliant à la porte de ce farouche Monsieur Noël, qui la détestait, mais qui avait un si grand pouvoir sur le cœur de son ancien élève. « Si je parviens à me faire écouter, » pensait-elle, « du moins Antoine ne partira pas en me croyant menteuse et déloyale. » Elle n'avait plus qu'un désir, se justifier. Le reste lui importait peu. Si elle perdait Antoine, le monde n'était plus qu'un désert, et la vie n'avait plus de valeur. Elle se disait qu'elle trouverait toujours dans un coin de la forêt un étang assez profond pour y disparaître. Elle était à un âge où l'amour semblait facile, et elle vivait dans un temps où il n'y a plus assez de foi pour répugner à l'idée du suicide. Elle restait immobile, le front dans ses mains, tandis que la nuit envahissait les bois. Tout à coup, un bruit de gouttes d'eau roulant sur les feuilles sèches la fit tressaillir. Elle se leva et se remit en marche. Les gros nuages amoncelés par le vent d'ouest commençaient à se dissoudre, et des rafales pluvieuses s'abattaient sur les collines boisées. Ce fut d'abord un murmure frais, rasant timidement la mobile toiture des ramées, puis les feuilles plièrent et laissèrent passer çà et là les froides larmes de l'ondée. Peu à peu, les rafales devenant plus violentes, toute la forêt fut pénétrée, la verse y descendit par large nappe, et Raymonde la sentit ruisseler sur son cou. Elle n'en poursuivit pas moins courageusement sa route à travers les sentes pierreuses, transformée en rigole. Enfin, un détour du sentier, le taillis s'ouvrit devant elle, et à ses pieds, au creux de la vallée, elle vit à travers les sombres hachures de la pluie les lumières d'Aubrive trembloter dans la nuit.